Une solide instruction chrétienne permettra seule à la jeune fille d'acquérir l'énergie morale, qui n'est au fond que la piété agissante. Et lorsque la jeune fille, après avoir achevé ses études scolaires, croira avoir terminé son éducation, c'est alors que commence pour elle cette seconde éducation, que l'on se fait à soi-même, et qui dure toute la vie. C'est le moment des fructueuses lectures. L'évêque d'Orléans conseille aux femmes de donner à ces lectures une place dans le règlement de leur vie, et de ne les faire que la plume à la main. Quel vaste programme d'études que celui-ci! Les classiques du XVIIe siècle, ces immortels modèles de raison, de bon goût et d'éducation morale, les plus belles productions de la poésie chrétienne, les idiomes étrangers à l'aide desquels les femmes pourront lire les plus purs chefs-d'œuvre des diverses littératures, le latin, la langue de l'Église, les meilleures pages de la philosophie antique, cette préface de l'Évangile, a dit M. Demestre, la religion étudiée dans les œuvres de ces éloquents génies et dans les vies de ces saints, l'histoire et surtout l'histoire de France, sœur, épouse et mère de Français, il ne faut pas qu'elle se condamne à ignorer les grandes choses que Dieu a faites dans le monde par la France, et ce qu'il peut faire encore. Les sciences n'occuperont qu'une place bien secondaire dans ce programme. Ce n'est que dans leurs applications aux usages de la vie qu'elles entrent utilement dans l'éducation des femmes. L'histoire naturelle, l'agriculture, sont spécialement recommandées par l'évêque, et nous en savons le motif. Il souhaite aussi que les femmes ne restent pas étrangères aux questions de droit qui les concernent. Il leur en conseille l'étude dans la même mesure que Fénelon. Comme Fénelon, comme Madame de Maintenon, l'évêque d'Orléans a voulu former des mères. Comme eux aussi, il s'applique à ces deux résultats fondamentaux. Éclairer la piété, fortifier le jugement. Ces deux résultats qui, nous leur disions, après lui, peuvent se ramener à un seul, la raison éclairée par la foi. Cependant, plus que Fénelon et que Madame de Maintenon, l'évêque d'Orléans tient compte des facultés de cœur et d'imagination qu'il faut employer chez la femme, mais en les gouvernant. Avec M. Le Gouvet, il donne à ces facultés la nourriture substantielle qui les empêchera de dévorer les aliments malsains. Les lettres, dans ce qu'elles ont de plus pur et de plus fortifiant, répondront aux aspirations des femmes vers le beau, vers l'infini. Cette éducation qui se poursuit toute la vie à l'ombre du foyer est admirablement appropriée aux facultés individuelles de la femme, à sa mission domestique et sociale. Elle se rattache non seulement à la méthode du XVIIe siècle, mais à ses vieilles traditions éducatrices, dont nous avons trouvé les linéaments chez les peuples anciens, les Indiens, les Romains, certaines races grecques, telles que les Éoliens et les Achéens, mais celles chez les Hébreux, que nous avons vu le type de cette éducation avec ses trois grands caractères, domestique, national, religieux. Il était naturel que chez le peuple de Dieu, l'éducation de la femme répondît au plan divin. Le christianisme fait revivre ce grand type d'éducation et le présente à nos ancêtres gallo-romains et germains. Les Francs l'accueillent avec d'autant plus de faveur que les incultes germains, qui vénéraient dans leur compagne le souffle divin, donnait à celle-ci la culture intellectuelle qu'ils se refusaient à eux-mêmes. Les filles des Francs gardent encore cette suprématie, à laquelle les préparent de pieux monastères qui nourrissent leur esprit en abritant leur pureté. Ces traditions se perpétuent au Moyen-Âge. Sans doute la généralité des femmes n'est pas appelée alors à recevoir un développement supérieur des facultés de l'esprit, mais une instruction modeste et solide est donnée à toutes. Pendant la Renaissance, la femme ne se maintient pas assez dans le domaine intellectuel qui lui est propre. L'érudition et ses excès compromettent quelque peu la cause de l'instruction des femmes. Toutefois, la belle Cordière et Jean Boucher rappellent les vrais principes de l'éducation féminine, remplir le vide que l'ignorance creuse dans l'existence des femmes, préparer dans la jeune fille la compagne de l'homme, la mère éducatrice. Ce sont ces principes qui président à la solide éducation que du XVIe au XVIIIe siècle, des familles, fidèles aux anciennes traditions, continuent de donner à leurs filles. Ce sont ces principes qui ont guidé Fénelon. Madame de Maintenon, à une époque où le désœuvrement de la vie mondaine et les railleries de Molière contre les femmes savantes avaient substitué pour les jeunes filles les périls de l'ignorance aux écueils de la pédanterie. Après la tourmente révolutionnaire, les traditions éducatrices se retrouvent. Lorsque Napoléon Ier fonde la maison d'éducation de la Légion d'honneur, il demande à Madame Campan à qui il en confie la direction. Que manque-t-il aux jeunes personnes pour être bien élevées en France ? Des mères, répond Madame Campan. Le mot est juste. Eh bien, madame, que les Français vous aient l'obligation d'avoir élevé des mères pour leurs enfants. C'est ainsi que Madame Campan fit régner à Écouen les principes que Madame de Maintenon avait appliqués à Saint-Cyr. À l'éducation traditionnelle que l'évêque d'Orléans avait élevée à la hauteur des besoins actuels et qui est adaptée aux facultés natives de la femme, on a voulu substituer aujourd'hui une autre éducation, l'éducation masculine des filles. Ce système n'est pas nouveau. Sparte l'a expérimenté, et par la ruine de ses mœurs, elle a appris que ce n'est pas impunément que l'on change l'ordre des lois naturelles. Si la création des lycées de filles par la loi du 21 décembre 1880 suscita des plaisanteries, elle éveilla également de sérieuses alarmes. On savait que parmi ceux qui avaient voté cette loi, beaucoup poursuivaient le même but que les hommes, qui réclamaient pour la femme l'émancipation politique, arracher la femme à l'Église. On se disait aussi qu'une éducation masculine et sans base religieuse produirait, au lieu de femmes fortes, des hommes manqués, au lieu de chrétiennes simplement fidèles à leurs devoirs, des libres penseuses très portées à devenir de libres faiseuses. Les premiers promoteurs de la loi s'effrayèrent eux-mêmes des suites que pouvait avoir une éducation, qui, ne tenant aucun compte ni des facultés natives de la femme, ni de ses aspirations religieuses, écraserait son esprit en étouffant son âme. Les programmes adoptés par le Conseil supérieur de l'instruction publique et qui ont été l'objet d'un arrêté ministériel du 28 juillet 1882 témoignent que la commission chargée de les élaborer s'est préoccupée de ces critiques. D'une part, les programmes définitifs ont été allégés des matières qui en surchargeaient le projet primitif. Les travaux à l'aiguille qui avaient été écartés de ce projet figurent dans les programmes, qui comprennent aussi un cours d'économie domestique. D'autre part, si la religion révélée n'occupe pas dans ses programmes la place qui lui est due, la vie future et Dieu n'en ont pas du moins été exclus. C'est quelque chose à la triste époque où nous vivons, disons-le à ce sujet, comme nous le disions à propos de Rousseau. Il faut savoir gré aussi à la commission d'avoir fait figurer dans le choix des auteurs à expliquer et à commenter Bossuet, Fénelon, Bourdaloue, Massillon. Quant à Pascal, on aurait pu se contenter de prendre au grand moraliste un choix de ses pensées, sans demander à l'ardent janséniste quatre de ses provinciales. Ce choix est particulièrement malheureux aujourd'hui, mais n'y eut-il d'autre motif d'exclusion que de prémunir les femmes contre ces discussions théologiques, dont les éloignaient prudemment Fénelon et Madame de Maintenon. Il eût été de bon goût de ne pas faire lire les provinciales à de jeunes filles de 16 ans. Ces mêmes programmes prouve combien il est difficile de séparer de l'éducation la foi révélée. Je vois inscrits dans ses programmes ces mots « respect de la personne dans ses croyances »,« liberté des cultes ». Comment conciliera-t-on ce respect des croyances en enseignant les matières suivantes du programme d'histoire ? Les Hébreux, leur religion, histoire romaine, le christianisme, les catacombes, le christianisme en Gaule, l'Église et les ordres monastiques au XIe siècle, la papauté, son influence, lutte avec l'Empire, la réforme, ses origines, différentes formes du protestantisme, réorganisation du catholicisme, le concile de Trente, etc., etc. Comment parler des Hébreux et de l'établissement du christianisme sans tenir compte de la révélation? Si l'on ne traite de la religion des Hébreux qu'au même titre que du paganisme grec ou romain, qui ne voit ce que cette neutralité même a de périlleux pour la foi de la jeune fille et de blessant pour sa conscience? J'en dirai autant de ce qui se rattache à l'histoire de l'Église. On peut objecter à cela que nul n'est obligé d'envoyer sa fille au lycée, et que les familles croyantes, à quelque culte qu'elles appartiennent, se garderont bien d'y conduire leurs enfants. Sans doute il en sera ainsi pour les familles qui ont une foi vigoureuse. Mais chez d'autres, qui, tout en gardant certaines habitudes de piété, sont moins fermes dans leurs principes, il pourra arriver que l'appât d'une bourse leur fera confier leurs filles au lycée. Ne prévoit-on pas alors ce qu'un enseignement neutre pourra apporter de trouble à cette jeune fille de 12 ans, qui, si elle est catholique, par exemple, sera sans doute la fervente piété de sa première communion, et aura-t-elle toujours la force morale nécessaire pour garder sa foi, si elle entend parler du christianisme comme d'une doctrine purement humaine? Que sera devenu alors le respect des croyances? Et si ce que j'appelle de tous mes vœux, la religion est présentée avec son divin caractère, que sera devenu le principe de neutralité? Bon gré mal gré, on aura rendu à l'éducation la seule base, qu'elle puisse avoir la foi. Mais est-il nécessaire de tant insister sur les écueils qu'offrent les lycées de filles? Ces lycées ont bien de la peine à s'établir. Ils seront toujours impopulaires parmi nous. Leur nom seul suffirait pour les couvrir de ce ridicule auquel rien ne survit en France. Et ce nom fut-il même changé, notre esprit national, si antipathique à l'émancipation politique des femmes, repousserait encore, pour le même motif, l'éducation publique des filles. Parmi les libres penseurs, plus d'un jugeant comme Rousseau, qu'il ne faut pas faire de la femme un homme, pas même un honnête homme, plus d'un eut volontiers répété avant la loi de 1880 l'exclamation moqueuse du philosophe « Elles n'ont point de collège, grand malheur !» Et même devant les modifications du programme, il se dira encore que la femme ne doit pas être préparée par l'éducation publique à la vie modeste qu'elle doit mener à son foyer. Il laissera donc à d'autres pères le bénéfice de la loi. Put-il volter? D'ailleurs, les études de l'enseignement secondaire ne diffèrent guère de celles de l'enseignement primaire supérieur, telles qu'elles existent dans nombre d'institutions et de cours, telles aussi que les consacrait, il y a quelques années, le programme de la ville de Paris, pour l'obtention du brevet de premier ordre. Ce n'est pas celui-là qu'on aurait pu opposer au programme des lycées. Lorsqu'on a dit que ce qui distingue l'enseignement secondaire de l'enseignement primaire supérieur, c'est la culture littéraire, si propre à élargir et à assouplir l'esprit. En effet, l'ancien programme de la ville de Paris, pour le brevet supérieur, accordait à l'élément littéraire une place prédominante, qu'il n'a plus dans le nouveau programme. Celui-ci a supprimé les auteurs grecs et latins, qui, lus dans des traductions, figuraient dans celui-là à côté des classiques du XVIIe siècle, comme aujourd'hui dans les programmes de l'enseignement secondaire. C'était surtout à l'intelligence de l'aspirante que s'adressait l'examinateur. Il lui demandait quelles avaient été ses lectures littéraires et lui en faisait rendre compte. Ainsi se développaient dans un délicat épanouissement les facultés propres à la femme. Monseigneur Dupanloup eut reconnu là son excellente méthode. Dans le nouveau programme de renseignement secondaire, le rapporteur dit très justement qu'il faut permettre à chaque élève de chercher sa voie, de choisir selon ses aptitudes et ses besoins. Cette méthode, nous l'avons déjà vue, existait déjà. Au lieu de créer des lycées de filles, n'aurait-il pas suffi de reprendre et de généraliser dans toute la France l'ancien programme de la ville de Paris, en y introduisant certaines études qui ont été adoptées avec raison pour l'enseignement secondaire. L'esthétique, par exemple, et aussi les notions de droit dans leur rapport avec la condition de la femme. Nous savons que l'évêque d'Orléans recommandait ces études. La seconde était déjà demandée par Fénelon, comme nous le remarquions déjà, en regrettant qu'elle manquât jusqu'à présent à nos programmes actuels. Les programmes de l'enseignement secondaire n'avaient pas encore paru au moment où nous exprimions ce regret. Malheureusement, le nouveau programme de la ville, très chargé de détails techniques, n'a admis dans ces derniers temps que l'addition que voici. À partir de la session du mois de juillet 1882, les épreuves écrites comprendront une composition sur l'instruction morale et civique. Le brevet supérieur de la ville de Paris n'étant demandé, en dehors des fonctions d'inspectrice, qu'aux personnes qui veulent diriger des institutions de premier ordre, la morale civique envahit ainsi jusqu'au domaine de l'enseignement libre. Mais quelque déplorable que soit ce fait, l'institutrice libre peut, du moins, donner et faire redonner l'enseignement religieux aux jeunes filles qui lui sont confiées. Les parents sont libres d'ailleurs d'envoyer leurs enfants dans les institutions qui leur conviennent le mieux. Il n'en est pas ainsi toutefois pour les familles populaires qui habitent les localités où l'école communale subsiste seule. La loi a chassé Dieu de cette école, et cependant le paysan, l'ouvrier sont contraints d'y envoyer leurs enfants, eux qui n'ont pas la ressource de les faire élever ailleurs. C'est ici le caractère le plus effrayant de l'instruction laïque et obligatoire. Naguère, la Convention avait aussi décrété, en d'autres termes, cette instruction laïque et obligatoire. Elle avait aussi remplacé la morale chrétienne par la morale civique, étrange morale que celle qui enseignait aux enfants de 8 à 10 ans les soins qu'il faut donner à l'enfant dès que la femme se sent mère. Cet enseignement, tout au moins précoce pour les petites filles, était-il donné aux garçons ? On sait que la Convention appliquait volontiers les mêmes méthodes d'enseignement aux deux sexes. C'est ainsi que les filles apprenaient l'arpentage, Je ne sais si les garçons apprenaient la couture. La Convention ne put guère que décréter l'enseignement laïque et obligatoire. Pour obliger les pères de famille à envoyer leurs enfants aux écoles primaires, il aura fallu que ces écoles existassent, et la Révolution avait été plus habile à les détruire qu'à les reconstruire. Les maîtres manquaient d'ailleurs aussi bien que les écoles. Il n'y avait pas de fonds pour les payer, et le maître ou la maîtresse laïque, qui a la charge d'une famille, ne peut avoir le désintéressement des instituteurs religieux. Aujourd'hui, la situation a changé. Les efforts de l'Église et ceux de l'État s'étaient unis pour propager l'instruction primaire, et cet enseignement avait reçu une puissante organisation. Maintenant, l'État chasse de l'école l'Église, sa collaboratrice, et tandis qu'il bannit de l'école la religion, les municipalités en expulsent jusqu'aux mères des enfants du peuple, les sœurs de la charité. C'est à la famille, dit-on, qu'il appartient de donner à l'enfant l'instruction religieuse. Mais si elle ne la possède pas elle-même, ou si, l'ayant possédée, elle l'a perdue, faut-il aussi en priver l'enfant? Ah, même parmi les hommes qui se sont éloignés de l'Église, bien peu consentiront de plein gré à voir se dessécher, à l'ombre glaciale de l'école athée, cette fleur de piété, qui, éclose aux chauds rayons de la parole de Dieu, venait embaumer leur foyer. Avec le poète, ils aimaient à dire « Ma fille, va prier, vois la nuit est venue, c'est l'heure où les enfants parlent avec les anges. Tandis que nous courons à nos plaisirs étranges, tous les petits enfants, les yeux levés au ciel, mains jointes et pieds nus, à genoux sur la pierre, disant à la même heure une même prière, demandent pour nous grâce au Père universel. Ce n'est pas à moi, ma colombe, de prier pour tous les mortels, pour les vivants dont la foi tombe, pour tous ceux qu'enferme la tombe, cette racine des autels. Ce n'est pas moi dont l'âme est vaine, pleine d'erreurs, vide de foi, qui prierai pour la race humaine, puisque ma voix suffit à peine. Seigneur, à vous prier pour moi, non, si pour la terre méchante, quelqu'un peut prier aujourd'hui, c'est toi dont la parole chante, c'est toi ta prière innocente. Enfant, peut se charger d'autrui. Pour ceux que les vies se consument, les enfants veillent au saint lieu. Ce sont des fleurs qui le parfument, ce sont des encensoirs qui fument, ce sont des voix qui vont à Dieu. Laissons faire ces voix sublimes, laissons les enfants à genoux. Pécheurs, nous avons tous nos crimes, nous penchons tous sur les abîmes. L'enfant doit prier pour tous. Tiré de Victor Hugo, Les feuilles d'automne, la prière pour tous. Les limites de mon travail ne me permettent pas de répéter ici ce que je publiais au mois de mars 1871, pour défendre une cause sacrée, le maintien de l'élément religieux dans l'enseignement scolaire à tous ses degrés. Je ne peux détacher de ce travail que ces quelques lignes qui concernent spécialement l'instruction de la femme. La perspective du néant suffira-t-elle pour fortifier l'homme qui se débat contre les difficultés morales et matérielles qu'amène le grand combat de la vie? Et quant à la femme, si vous ne lui apprenez pas que le cri de la conscience est l'appel d'un Dieu rémunérateur, quel appui donnerez-vous à sa vertu? Une instruction solide, direz-vous, la prémunira contre toute défaillance. Oui, une instruction qui repose sur des principes religieux est un grand élément de moralisation. Et c'est pourquoi j'appelle de tous mes voeux la régénération intellectuelle de la femme. Mais une instruction qui n'a point la foi pour base, ne risque-t-elle pas, au contraire, de donner à l'esprit cette fausse indépendance qui se coud jusqu'aux joues du devoir? Je sais que parmi les femmes, aussi bien que parmi les hommes, il est des natures si heureusement douées que, bien qu'elles jugent la morale indépendante d'un Dieu, elles en pratiquent loyalement les plus sévères obligations. Mais ce sont là de ces faits isolés, qui d'ailleurs prouveraient précisément combien sont ineffaçables les enseignements religieux dont ces âmes ont subi à leur insu peut-être la salutaire influence. Si donc nous acceptons ces natures d'élite, où la femme incrédule puisera-t-elle la force nécessaire pour remplir ses devoirs, lorsque délaissée par son mari, le mal se présentera à elle sous la dangereuse et séduisante apparence d'une sympathie consolatrice? La femme tentée ne sera-t-elle pas exposée à se dire « Si la loi qui prescrit la fidélité conjugale a une origine purement humaine, qu'importe de la braver ?» Cette pensée n'est-elle pas au fond des romans à thèse sociale dont nous parlions plus haut? Voilà ce que, sans le vouloir, vous aurez fait du foyer domestique. Est-ce le foyer seul qui souffrira de l'éducation athée donnée à la femme? Consultons les ouvrages pénitentiaires et nous verrons qu'en France, la criminalité est moindre pour les femmes que pour les hommes. Ce résultat n'est-il pas dû en grande partie à la pieuse éducation que reçoit la femme et surtout au frein salutaire de la confession, que l'éducation sans Dieu ait le temps de former une nouvelle génération de femmes et les futures statistiques criminelles nous donneront les fruits de ce système. Dans un roman malheureusement trop lu à notre époque et qui décrit les mœurs populaires dans ce qu'elles ont de plus repoussant, l'auteur a dit « J'ai voulu peindre la déchéance fatale d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs. » Au bout de l'ivrognerie et de la fainéantise, le romancier voit le relâchement des liens de la famille, les plus infâmes aspects de l'immoralité, l'oubli progressif des sentiments honnêtes, puis pour dénouement la honte et la mort. Le romancier matérialiste ne se doute pas que ce hideux tableau est celui de la famille sans Dieu. Au milieu de son récit, après avoir montré une femme coupable qui a essayé de devenir une honnête épouse, mais qui, voyant son mari tomber dans la débauche, roule elle-même dans la fange et ne peut faire de sa fille qu'un être immonde, l'auteur s'étonne de la courte durée d'un bonheur domestique dont il avait cru voir l'image. Il semblait, dit-il, que quelque chose avait cassé le grand ressort de la famille, la mécanique qui, chez les gens heureux, fait battre les cœurs à l'unisson. Ah, certes, la mécanique devait s'arrêter, et il en est toujours ainsi quand on supprime le grand moteur, Dieu. La famille sans Dieu, le grand ressort domestique brisé, parce que Dieu ne le fait plus mouvoir. Hélas, ce spectacle, nous le voyons déjà que trop, même dans les maisons qui ont gardé les apparences du christianisme, mais qui n'en ont plus l'esprit. Et comment Dieu vivrait-il dans ces demeures? Est-ce sa présence que l'homme a appelée en fondant son foyer? Non, c'est la divinité du jour, c'est l'or. N'est-ce pas une des phrases courantes de la causerie mondaine que celle-ci? Monsieur, un tel épouse 500 000 francs, 1 million ou plus. Tel est l'objet des premières informations de l'homme qui recherche une femme. L'honorabilité de la famille, les qualités morales ou même les attraits physiques de la jeune fille. Non, la dot, toujours la dot. C'est là le caractère qui prédomine dans les sociétés en décadence pour lesquelles la satisfaction des jouissances matérielles est tout. Athènes avait connu cette plaie. En dépit des lois de Solon, qui restreignaient la dot, les temps de corruption amènent la vénalité des mariages. La fille pauvre fut exposée à vivre dans le célibat. Comme nous le rappelions, il arrivait alors déjà que l'homme avait supputé avec soin les mines, les talents, les drachmes de la dot. Mais dans cette addition, il avait oublié de compter les qualités ou les défauts de la fiancée. Un jour, l'or était parti, mais la femme restait, et avec elle le regret de sa présence. « J'ai épousé un démon qui avait une dot. Ma maison et mes chambres viennent d'elle, mais pour les avoir, il a fallu la prendre aussi, et c'est le plus triste marché. » À Rome, quand le régime dotal remplace l'antique communauté, la femme richement dotée trouve dans sa fortune la liberté de tout vouloir et de tout faire. À une époque où la fréquence de divorce permet à la femme de quitter son mari, l'époux se résigne à la perte de son autorité, à la perle même de son honneur. Ne faudrait-il pas rendre la dot avec la femme? J'ai accepté l'argent, j'ai vendu mon autorité pour une dot. L'ancienne France ne connut guère que dans les deux derniers siècles le fléau des mariages d'intérêt. La vieille communauté germaine y régna longtemps avec le droit d'aînesse. Et même quand la dotalité romaine vint se joindre à la communauté coutumière ou la remplacer, la dot fut modeste, et le droit d'aînesse qui subsistait toujours rendait fort rares les riches héritières. Ce ne fut que lorsque la vie des cours eut créé les besoins factices du luxe et de la vanité que les femmes commencèrent à être recherchées, les unes pour leur fortune, les autres pour les honneurs qu'elles apportaient. Déjà convoitées au XVIIe siècle, les filles de la finance deviennent, au XVIIIe siècle, l'objet d'un honteux trafic. Mais c'était surtout la noblesse des cours qui se livrait à ce négoce matrimonial. Dans la noblesse de province, comme dans la bourgeoisie des villes, bien des hommes ne consultaient pour se marier que le choix de leurs parents, la bonne renommée de la famille à laquelle ils désiraient s'allier, les vertus et les grâces de la jeune fille qu'ils souhaitaient d'associer à leur vie. Ces traditions s'étaient perpétuées en France, dans la première moitié de notre siècle. Les terribles épreuves de la Révolution, qui avaient ruiné tant de familles et qui avaient fait voir de près le néant des vanités humaines, la simplicité de la vie, d'habitude et de toilette, qui résultait de cette disposition morale, avaient fait prédominer dans le mariage la vertu du désintéressement. Il a fallu les fiévreuses spéculations et le luxe insensé, dont la seconde moitié du XIXe siècle donne l'exemple, pour que la vénalité du mariage devint générale. Le mariage n'est guère autre chose aujourd'hui qu'une opération financière, et la femme n'est plus qu'une valeur sur le marché matrimonial jusqu'à ce que, le divorce aidant, cette valeur soit cotée à la bourse et passe de main en main. Seulement, cette valeur a cela de particulier qu'on ne l'achète pas, mais qu'on ne daigne l'accepter qu'au plus haut prix.